Bonjour, c'est Xavier Mauduit. Je vous propose une histoire végétale avec des forêts, des plantes et des fleurs. Car de Fontainebleau à Compiègne, en passant par Troncet, les forêts du roi envoient du bois. Et à Brocéliande, c'est la légende qui cache la forêt. Avec aussi les impressionnistes qui mettent des fleurs sur la ville. Où, entre les pavés, surgissent les jardins ouvriers. Une histoire végétale, c'est l'œuvre au vert. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le cours de l'histoire « Comment parcourir les grands espaces en temps de confinement ?» Lire, bien sûr, lire les auteurs qui ont donné une place essentielle à la nature. Et puis, vous pouvez aussi tout simplement écouter le cours de l'histoire. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. J'embarquais à Saint-Malo le 6 mai 1791 vers les 8 heures du matin. Ainsi commence le voyage en Amérique du jeune Chateaubriand. Il a alors 23 ans, il quitte l'envoûtante nature de la Bretagne tout autant que les troubles révolutionnaires pour découvrir l'Amérique. Je suis tombé dans cette espèce de rêverie connue de tous les voyageurs. Nul souvenir distinct de moi ne me restait. Je me sentais vivre comme partie du grand tout. Et végéter avec les arbres et les fleurs. Chateaubriand est fasciné par son voyage en Amérique. Dans une des préfaces qu'il donne à son ouvrage, un ouvrage paru bien plus tard, Chateaubriand écrit « Les voyages sont une des sources de l'histoire. Les voyages remontent au berceau de la société. Des Indiens, des bisons, des montagnes. Mais que vit réellement le vicomte de Chateaubriand ? Il vit la nature. » Cette semaine, dans le cours de l'histoire sur France Culture, et l'homme créa la nature, de la nature confisquée. L'histoire du colonialisme vert au monde sous étiquette quand les explorateurs collectent la nature. 4 épisodes à écouter, à podcaster, la balado-diffusion en ligne sur le site internet du cours de l'histoire franceculture.fr et sur l'application Radio France. Aujourd'hui, écrire les grands espaces, c'est l'œuvre au vert. Pour nous en parler, Sébastien Baudouin, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de Cagnes et d'Hippocagnes à Paris. Vous êtes spécialiste de Chateaubriand. Notamment, vous avez publié une édition du Voyage en Amérique de Chateaubriand chez Gallimard, Folio. Et puis, vous êtes l'auteur de Poétique du paysage dans l'œuvre de Chateaubriand. Nous parlons de l'Amérique, nous parlons de Chateaubriand, mais c'est une évidence en fait. En quoi Chateaubriand est-il si important dans une émission consacrée à la nature, à la manière d'écrire la nature, ce que l'on appelle, c'est un genre littéraire, le nature writing? Chateaubriand est vraiment un écrivain particulier. On oublie souvent derrière l'historien, derrière l'homme politique, derrière l'apologiste de la religion chrétienne dans le génie du christianisme, que ça a été aussi le premier à avoir écrit la nature avec des tableaux poétiques et un nouveau langage qu'il a emprunté à la peinture. Avant lui, bien sûr, on écrivait la nature, hein, bien sûr, mais ça n'était pas un sujet aussi débordant, aussi omniprésent. Dans mon premier essai sur la poétique du paysage, j'ai montré combien le paysage était envahissant dans son œuvre, était quelque chose qui définissait son propre rapport au monde. Et là, dans cet ouvrage, aux origines du nature writing, j'ai voulu montrer combien il était un précurseur d'un genre très pratiqué de nos jours, surtout aux États-Unis, d'où le titre Nature Writing, qui est l'écriture de la nature, qui prend la nature comme cœur de la représentation littéraire, qui est le centre névralgique de l'intérêt de l'écrivain. Et il a véritablement révolutionné l'art de décrire, hein, quand il était... Quand il se lançait dans des lectures publiques de ses œuvres, notamment des extraits des Mémoires d'Outre-Tombe, ses plus grands succès, c'était les grands tableaux descriptifs, hein, qui vraiment emportaient l'adhésion et qui ont conduit Sainte-Beuve à l'appeler l'enchanteur. Oui, l'enchanteur, et c'est ce qui nous enchante effectivement dans cette lecture de Chateaubriand, c'est le voyage qu'il propose avec cette association, Sébastien Baudouin, que vous faites toujours, et dès maintenant c'est bien avec la peinture, parce que tout est question de paysage, de représentation et de lecture, bien sûr. Et pour continuer à explorer ces grands espaces, l'œuvre au vert, avec nous également François Speck, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de littérature des États-Unis à l'École normale supérieure de Lyon, avec des travaux qui portent principalement sur la littérature américaine du 19e siècle et ce lien très fort entre littérature et environnement. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, dont un s'intitule « Habiter la frontière, l'humanisme sauvage » de Henry David Thoreau. Et puis, toujours dans cette idée d'écriture de la nature de Henry David Thoreau, et le nature writing. En quoi ce 19e siècle aux États-Unis est très important pour cette écriture de la nature ? C'est véritablement au 19e siècle que se constitue en effet ce genre, avec ses différentes parties constitutives, on va dire. C'est vrai que le nature writing, tel qu'il est pratiqué dans les pays de langue anglaise, repose sur l'association de différents éléments. Il ne s'agit pas simplement d'une esthétique du paysage, hein, mais d'un ensemble d'éléments à la fois scientifiques, à la fois biographiques, spirituel en quelque sorte aussi dans beaucoup de cas, et une orientation aussi très nette en direction de grands espaces du numérique, de la nature. Et de la nature. Dites-nous, Sébastien Baudouin, vous êtes donc l'auteur d'un ouvrage qui s'appelle « Aux origines du nature writing », publié aux éditions Le Mot et le Reste. Dans cette idée de nature writing, d'ailleurs l'expression elle-même pour qualifier ce genre littéraire nous conduit dans un monde anglo-saxon. Vous vous intéressez à Chateaubriand. En 1791, Chateaubriand quitte la France, il part de Saint-Malo et il part en Amérique. A-t-il déjà une volonté, une construction intellectuelle d'une recherche de la nature, peut-être une nature sauvage? Oui, c'est né très tôt. Alors si on regarde son parcours biographique et sa vie en tant que telle qu'elle est représentée dans les mémoires d'outre-tombe, on se rend compte que tel qu'il se représente, dès sa prime jeunesse, il est en proie aux éléments et il est fortement attiré par l'océan, par la forêt, hein, ce qu'il appelle ses instituteurs sauvages. Il se représente volontiers comme un jeune homme épris de liberté, un petit sauvageon sur la grève de Saint-Malo ou dans les bois de Combourg. Et il est épris de liberté. Je crois que c'est surtout ça qui l'a poussé à aller en Amérique, c'est la liberté, parce que en France, c'était particulièrement délicat pour les nobles à cette époque-là, et le climat était très angoissant, un peu comme celui qu'on vit actuellement, dans une moindre mesure, bien entendu. Mais enfin, il y avait une sensation d'étouffement, vraiment, et d'angoisse. Ce qui l'a poussé aussi à aller en Amérique, c'est Malesherbes, Chrétien Lemoignon de Malesherbes, qui l'a initié à la botanique, qui l'a fait rêver sur des ouvrages de voyage qu'il avait dans sa bibliothèque. Il était beaucoup plus vieux que Chateaubriand. Il a agi à la manière d'un père de substitution pour lui donner le goût des voyages et de la nature. Et il y a cette savoureuse formule de Malesherbes à Chateaubriand qui lui écrit dans une lettre « Ah, quel dommage que vous ne sachiez pas la botanique !» Et c'est vrai que quand il décrit les arbres et les plantes exotiques qu'il a soi-disant rencontrées en Amérique, il emprunte beaucoup à Bartram, d'où la filiation, parce qu'il ne connaît pas en réalité vraiment la botanique. Et c'est une sorte de poétique de l'exotisme. Il fait savant pour donner à son récit un intérêt esthétique et un intérêt scientifique. Et là, on rejoint ce que disait François Speck sur la science, qui est très importante dans les voyages, qui donne un crédit, en fait, et qui aussi montre que la nature n'est pas simplement un objet esthétique, c'est un objet d'investigation scientifique, intellectuelle. François Speck, effectivement, ces voyages d'écrivain et cette mise à l'écrit sous forme littéraire du voyage se construit en parallèle du voyage de l'explorateur, qui est un phénomène de 16e, 17e, encore plus 18e siècle, et puis tout le 19e siècle, il y a ce genre aussi, le voyage, le récit d'exploration. En quoi le nature writing se distingue du récit de voyage ou même du récit d'expérience ? Effectivement, le nature writing ne correspond pas seulement à un récit de voyage, même s'il joue sur cette convention, dans la mesure où, en fait, chaque expérience est présentée comme une sorte de voyage intérieur. Alors l'idée peut paraître un petit peu cliché en quelque sorte, cette idée de voyage intérieur, mais elle est extrêmement réelle, extrêmement prégnante chez beaucoup de ces auteurs, au sens où le genre du narrative writing implique toujours une mise en récit d'un retrait de l'individu dans un lieu à l'écart du monde ordinaire, que ce soit les villes, bien sûr, mais aussi des villages ou des bourgades beaucoup plus petites. Et donc, il y a toujours cette idée d'un voyage. Alors, c'est un voyage qui ne conduit pas forcément très très loin. Hein. Dans le cas de Thoreau, par exemple, c'est vrai que son séjour au bord du lac de Walden n'a conduit qu'à un écart de quelques kilomètres par rapport au lieu où il habitait, non loin de Boston. Donc, ça s'appuie sur le genre du récit de voyage, en un sens, mais c'est vrai que les différentes strates que j'évoquais tout à l'heure, à savoir la dimension scientifique d'une part, la dimension écologiste avant l'heure d'autre part, donnent réellement une dimension toute particulière à ce voyage. Une dimension particulière à ce voyage que nous allons illustrer par une lecture d'Olivier Martineau. Olivier lit un extrait de Journal sans date. Alors c'est un texte qui figure à l'origine, dans Le Voyage en Amérique de Chateaubriand. En fait, c'est un texte écrit suite à une longue marche en Amérique où Chateaubriand est fasciné par le vent. Voici le vent. Il court sur la cime des arbres. Il les secoue en passant sur ma tête. Maintenant, c'est comme le flot de la mer qui se brise tristement sur le rivage. Les bruits ont réveillé les bruits. La forêt est toute harmonie. Est-ce les sons graves de l'orgue que j'entends, tandis que des sons plus légers errent dans les voûtes de verdure? Un court silence succède. La musique aérienne recommence. Partout des douces plaintes. Des murmures qui renferment en eux-mêmes d'autres murmures. Chaque feuille parle un différent langage. Chaque brin d'herbe rend une note particulière. Chateaubriand, lu par Olivier Martineau dans Le cours de l'histoire. Sébastien Baudouin, nous entendons cette écriture de Chateaubriand, ce rapport très particulier à la nature. Alors, nous sommes sur un voyage de 1791 de Chateaubriand. À quel moment ce voyage, en fait, est-il réellement écrit? Alors, Stéphane Baudouin est parti en voyage au fin fond de la forêt d'Amérique. Nous allons le retrouver. Nous allons avec François Speck. François Speck, nous entendons ici cette lecture de Chateaubriand sur l'écriture de Chateaubriand, de la nature. Est-ce qu'il y a une influence, les transmissions nous intéressent, entre ce qui est écrit en France et le phénomène qui se développe aux États-Unis au XIXe siècle de l'écriture de la nature? À mon sens, très peu. C'est vrai que, en tout cas, pas de manière directe. Il faut vraiment envisager un très long circuit pour établir des ponts entre ce qui est écrit en France, ce qui est écrit aux États-Unis. C'est vrai que Thoreau connaissait Chateaubriand. Il avait connaissance, en tout cas, de certaines œuvres de Chateaubriand. Je ne suis pas certain qu'il connaissait très bien ce qu'on appelle les écrits américains de Chateaubriand. Par contre, effectivement, comme il a été évoqué tout à l'heure, l'une des sources de Chateaubriand, c'est Bartram, le naturaliste Bartram, donc auteur de la fin du XVIIIe siècle. Et Thoreau avait lu Bartram. Donc, en quelque sorte, ayant lu ce qui a été l'une des sources principales de Chateaubriand, il y a un lien par ce côté-là. Sinon, Thoreau parle surtout, lorsqu'il parle de Chateaubriand, c'est-à-dire assez peu, de son itinéraire de Paris à Jérusalem. Oui, parce que il n'y a pas de lien, à mon avis, que l'on puisse établir entre ce qui s'écrit en France d'un côté, ce qui s'écrit aux États-Unis de l'autre, en ce qui concerne en tout cas le nature writing. Voilà, ce qui est sûr, c'est que Thoreau écrit bien plus tard que Chateaubriand. Hein. Nous sommes dans les années 1850. Dans ces années 1850, il y a cette expérience étonnante de Thoreau. Vous pouvez nous la rappeler, François Speck. Quelle est cette décision d'aller vivre dans les bois? Oui, donc c'est effectivement un épisode qui a une dimension, une résonance quasi mythique hein, de nos jours. Il s'agit en fait très précisément des années 1840, le milieu des années 1840, 1845 exactement. Thoreau a 28 ans et il est parti vivre dans les bois au bord du lac de Walden, à quelques kilomètres seulement, comme je le disais tout à l'heure, du village du Massachusetts où il habitait. Et il y a passé un peu plus de 2 ans, y menant une expérience originale dont Walden, le livre Walden, a donné une version, on pourrait dire une interprétation, une mise en perspective. Et ça, je pense que c'est quand même très très important, c'est-à-dire que le livre qu'il a rendu célèbre, pour lequel il est toujours extrêmement connu aujourd'hui, Walden, c'est évidemment une version quelque peu diffractée de l'expérience qu'il a connue au bord du lac, et mais qui lui a donné aussi une portée peut-être encore plus grande que celle qu'elle avait au départ. Oui, parce que il est toujours très difficile hein, de savoir pourquoi quelqu'un prend une telle décision, en l'occurrence la décision de Thoreau d'aller s'installer pendant quelques années dans les bois. François Speck, vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages sur Thoreau. Est-ce que vous arrivez à identifier ce qui a conduit cette personne à prendre cette décision-là? Il y a un univers de réflexion, des lectures, vous nous l'avez dit. Il y a une volonté de rompre avec un certain monde. Pourquoi fait-il ça à ce moment-là? Oui, alors, je pense qu'il s'agit probablement d'un faisceau de raisons. Il n'y a pas de raison unique, il n'y a pas non plus de déclaration extrêmement claire de la part de Thoreau, en dehors de ce que l'on peut trouver dans Walden, qui encore une fois est un récit paru a posteriori, hein, plusieurs années après l'expérience, dans laquelle il reconstruit cette expérience à sa façon, selon la perspective qu'il avait alors, qui n'était plus forcément exactement la perspective qu'il avait au moment de partir en 1845. Mais on peut en tout cas dire que l'une des raisons fondamentales, c'était qu'il aspirait à être écrivain au cours des années 1840. Il avait donc 28 ans quand il est parti sur les bords du lac de Walden. Et ce séjour avait pour but de lui permettre d'écrire. Mais d'écrire d'une façon très spécifique, peut-être y reviendra-t-on, à savoir dans une continuité parfaite du vivre et du dire, sans qu'il y ait de discontinuité, en quelque sorte, entre le fait de vivre une expérience et le fait d'écrire. Et c'est là-bas qu'il a écrit un livre moins connu que Walden, intitulé « Une semaine sur les rivières Concorde et Merrimack », qui raconte une excursion qu'il a faite en quelques années plus tôt hein, avec son frère, qui était entre-temps décédé du tétanos. Donc c'est une sorte de livre hommage aussi à son frère, à l'extraordinaire aventure fraternelle qu'ils avaient vécue. Et Thoreau a écrit pas mal d'autres choses aussi, tant qu'il était dans sa cabane dans les bois. Il a beaucoup écrit là-bas, de nombreuses pages de son journal, mais aussi une première version de ce qui allait devenir Walden, qu'il a ensuite longuement étoffé, remanié, et qui donc a été finalement publié en 1854, soit 7 ans après avoir quitté les bords du lac. Donc c'est très important, cette période de 7 ans dans laquelle le récit a été élaboré, transformé, étoffé. Donc ça, c'est la première raison, peut-être. Et la deuxième raison, qui est sans doute tout aussi importante et qui apparaît très clairement dans ses écrits, c'est qu'il s'agissait aussi pour lui d'une expérimentation visant à ce qu'il appelle se confronter uniquement aux faits essentiels de la vie. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, son objectif, c'était de prendre du recul par rapport aux circonstances immuables de la vie quotidienne et d'adopter ce qu'on pourrait qualifier de recul méthodologique, peut-être, qui permet de faire apparaître le quotidien sous un jour nouveau, un jour qui soit détaché autant que possible, ou même partiellement, des considérations matérielles ordinaires qui caractérisent le rapport ordinaire de l'homme à la nature, mais aussi à sa propre existence. Donc, je pense qu'il faut bien en avoir conscience. Il ne s'agissait pas pour lui de tourner le dos à la société, mais d'une sorte de suspension temporaire, que je qualifie de méthodologique, des habitudes, des prérogatives ordinaires de l'humain, afin de renouveler, en quelque sorte, son propre rapport au monde. Dans l'expérience de Thoreau, François Speck, vous nous parlez d'une volonté de recul, de méthodologie, de reconstruction de l'expérience, et c'est fondamental hein, dans cette démarche qui nous intéresse aujourd'hui dans le cours de l'histoire, de l'écriture de la nature au XIXe siècle. Et avec le cas de Chateaubriand, Sébastien Baudouin, nous avons ce même phénomène. Le voyage a lieu en 1791, l'écriture du voyage a lieu plus tard, à partir de notes. Il y a dans cette recherche de la construction du récit le moment où Chateaubriand marche et il prend des notes au milieu de la nature, et puis le travail postérieur sur la création d'un récit. Oui, alors c'est très singulier, c'est-à-dire que ce voyage qu'il a fait très jeune, à l'âge de 23 ans, en fait, n'a pas donné lieu tout de suite à une mise en récit de voyage. Ça a été essaimé dans divers écrits, dans le génie du christianisme, Atala, les Natchez plus tard. Et c'est au moment où il rédige les Natchez, à partir de bribes de manuscrits qu'il a retrouvés bon an mal an, et il en a écrit, il a écrit beaucoup. C'est à ce moment-là, au moment où il constitue ses œuvres complètes, qu'il écrit son voyage en Amérique, bien plus tardivement donc. À cette époque-là, l'Amérique est revenue au goût du jour avec les ouvrages de Fenimore Cooper qui ont été publiés, le dernier des Mohicans en 1826. Donc c'était vraiment très très proche. Il y avait une sorte de vogue américaine, américaniste en France, et donc c'était le moment ou jamais de reprendre ses notes. Alors il l'a fait pour des raisons éditoriales concrète, c'est-à-dire qu'il avait besoin de place, enfin il avait trop de place dans un volume de voyage, il lui restait encore beaucoup de place à combler pour que le volume soit terminé. Il s'est dit bon bah je vais écrire mon voyage en Amérique, et comme ça le volume sera complet. Et donc il a, et d'ailleurs ça se voit dans la structure du voyage en Amérique, il a composé ça de bric et de broc avec sans doute des traductions, adaptations, c'est même certain, de Bartram. Et des libres improvisations sur des canevas existants, sur des brouillons qu'il a repris. Et donc ça donne un ouvrage très hybride, mais qui n'en reste pas moins très très intéressant sur le plan de la représentation de la nature. C'est toujours très intéressant hein, de mêler l'analyse littéraire de la construction d'un récit et puis la réalité de l'histoire économique et sociale où effectivement Chateaubriand veut publier un livre, il a besoin de place et il écrit son voyage en Amérique. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui dans le cours de l'histoire avec Chateaubriand et avec Thoreau. Nous sommes en Amérique au moment où l'on met en place un genre littéraire. Comment écrire la nature, le nature writing. Oui, voyageons en Amérique. I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There was sand and hills and rain. The first thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of sound. I've been through the desert on a horse with no name. It felt La la la, le groupe America qui chante un cheval sans nom, A Horse With No Name, dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Minéna Elig avec aujourd'hui à la technique Jean-Guilain Beige. Le cours de l'histoire regarde des écrivains écrire la nature, Chateaubriand, Thoreau et d'autres. Dites-nous, Sébastien Baudouin, ces écrivains d'Amérique, nous les connaissons et nous comprenons pourquoi ils écrivent l'Amérique. Thoreau, nous le comprenons, Chateaubriand part en Amérique. Il y a Tocqueville aussi, donc français, qui visite l'Amérique. Il y a une fascination pour la nature sauvage du nord américain. Oui, alors c'est justement pour écrire pour sonder ce mystère que j'ai écrit ce livre. Je me suis dit, mais comment se fait-il que des auteurs français comme Chateaubriand et Tocqueville sont allés en Amérique pour aller voir la nature et essayer. Qu'est-ce qui les intéresse là-dedans? Qu'est-ce qui fait qu'ils traversent quand même l'Atlantique? Parce que à cette époque-là, traverser l'Atlantique, c'est pas comme maintenant où en 7-8 heures on est à New York. Eux, ils mettaient un mois ou moins pour traverser et dans des conditions très périlleuses. Donc, il faut vraiment avoir envie d'y aller. Alors, c'est leurs conditions nobles qui les poussent à aller en Amérique, mais aussi parce que bon, évidemment, être noble en France à cette époque-là n'était pas une bonne posture, même pour Tocqueville. La situation de la France ne lui convenait pas. Et aussi, bon, parce que l'Amérique est aussi une démocratie naissante. C'est davantage sensible chez Tocqueville que chez Chateaubriand. Chateaubriand est fasciné par la nature, Tocqueville un peu moins. En réalité, il résiste un petit peu à cette séduction qui serait une pente facile. Il le dit très souvent, à la fois dans La course au lac Oneida et dans 15 jours dans la wilderness. Il ressent cette tentation de la nature sauvage, mais en même temps, il refuse presque d'y céder. Il y a quelques tableaux de la nature chez Tocqueville, mais en réalité, ce qui l'intéresse surtout, c'est le métissage fabuleux qui s'opère à la frontière. D'ailleurs, c'était le titre originel du livre, La frontière de la solitude, qui est une belle formule de Chateaubriand que je voulais initialement mettre comme titre, puis après, c'était pas assez parlant. Donc, du coup, on a changé. Mais la frontière de la solitude, c'est l'endroit où se constitue une société métissée avec des métis d'Indiens et de colons. Et cela est fascinant pour Tocqueville, parce qu'il se demande dans quelle mesure on est encore dans un État démocratique alors qu'on est au rivage et à la frontière de la sauvagerie. Chateaubriand, lui, traverse cette frontière. Il va s'immerger dans la nature profonde, alors que Tocqueville se garde bien d'y aller. Oui, Tocqueville se garde bien d'y aller. Tocqueville observe la démocratie. Sébastien Baudouin, en plus, vous avez la modestie d'évoquer votre livre sans même en donner le titre. Je le rappelle, c'est Aux origines du nature writing. Ce mouvement littéraire qui nous intéresse passe par vraiment plusieurs voies. Il y a donc Chateaubriand qui s'intéresse à la nature dans une forme de voyage qui est presque mystique, avec Tocqueville qui regarde la démocratie, avec Thoreau qui est en quête de quelque chose. Mais il y a un point commun, c'est la nature au cœur de tout cela. François Speck, quels sont les éléments littéraires qui fascinent à l'intérieur de ce genre-là, le nature writing? Oui, d'un point de vue littéraire, d'un point de vue de sa force, de sa dynamique profonde, ce qui frappe surtout dans le nature writing tel qu'il est pratiqué, en tout cas dans les pays de langue anglaise, c'est ce qu'on pourrait qualifier de corps à corps avec les choses. C'est quand même vraiment un formidable corps à corps avec le monde naturel, et j'emploie le terme de corps à corps à dessein, c'est-à-dire qu'il y a à la fois une proximité presque charnelle, corporelle entre l'individu et la nature, mais c'est aussi une sorte d'affrontement, c'est-à-dire que le monde naturel ne se laisse pas appréhender si facilement, ne se laisse pas voir si facilement. Et donc, il y a tout un travail d'appropriation non invasive du monde naturel, non impérialiste, si on peut dire, qui consiste à laisser le monde et laisser la communication, ce qui nous permet être ce qu'il est. Hein. C'était clairement ce que cherchait. Thoreau dans ses écrits, hein, vraiment saisir le monde tel qu'il est, et donc ça c'est réellement ce qui définit pour moi de manière la plus précise peut-être le nature writing de langue anglaise et notamment Theory de Thoreau. Saisir le monde et y placer de l'imagination, y placer de l'imagination au sens où Thoreau est en quête de quelque chose. Olivier Martineau va nous lire l'extrait d'un texte de Thoreau. Alors, ce n'est pas Walden ou La vie dans les bois, ce livre si connu et si répandu aujourd'hui, parce qu'il y a d'autres textes de Thoreau tout aussi intéressants, et notamment une semaine sur les rivières Concorde et Merrimack, donc un texte de 1839. C'est une lecture d'Olivier Martineau. Une île comble toujours mon imagination, même la plus petite, car elle me semble un petit continent et une portion intégrale du globe. Il me prend l'envie de construire ma cabane sur l'une d'elles. Même une île nue et herbeuse, que je peux saisir entièrement d'un regard, possède un charme indéfini et mystérieux à mes yeux. Elles naissent habituellement à l'embranchement de deux rivières, dont les courants charrient et déposent leurs sables respectifs, à l'endroit où leur confluence provoque des tourbillons, comme si c'était la matrice d'un continent. De combien d'apports subtils et improbables chaque île est constituée. Quelle entreprise de la nature donc que de poser les fondations et de construire le futur continent, fait de sable d'or et d'argent, et des ruines de la forêt, avec l'ingéniosité d'une fourmi. Une nuit sur les rivières Concorde et Merrimack de Henry David Thoreau, lu par Olivier Martineau dans le cours de l'histoire. François Speck, il y a ici toute une dose de réflexion sur la construction de quelque chose. Et Thoreau n'est pas un constitutionnaliste à rédiger un texte qui organiserait la politique. Il n'est pas là pour mettre en place des règles de société. Il est en quête. Et j'ai l'impression que dans cette démarche d'écrivain qui partent à la rencontre de la nature, il y a ça, il y a aussi un peu cette quête. Oui, tout à fait. C'est avant tout, je pense, une quête de ce qui est devenu invisible à force d'être le monde qui nous entoure au quotidien et qui est soumis à nos préconceptions, à nos obligations aussi, à un désir d'emprise qui tient à la manière dont chaque individu au quotidien doit mener telle ou telle action. Et donc effectivement, cette quête dont vous parlez, c'est celle d'arriver à se dépouiller de ce qui conditionne ou préconditionne notre rapport au monde. Donc, il s'agit effectivement, en quelque sorte, de se perdre de vue dans ce que l'on voit. C'est le travail de vision, par son intensité, par son développement, et par le fait surtout qu'il est repris chaque jour. C'est une entreprise quotidienne. Je pense que c'est très important de percevoir que cette ambition de Thoreau, c'était une entreprise quotidienne. C'est pas quelque chose qui relevait d'un loisir occasionnel. C'était vraiment une démarche qui engageait toute son existence et une démarche qu'on peut qualifier de quasi-métaphysique. C'est pas du tout parce que, par ce qu'elle énonce, hein, qui n'est en aucun cas au-delà des choses, mais par la nature même de son... la nature même de son engagement. Oui. Engagement très fort et effectivement qui mêle imagination et réflexion et observation. Une observation au niveau de l'individu, il y a quelque chose de métaphysique, de spirituel chez Thoreau et même chez Chateaubriand, auteur du génie du christianisme. Et puis Sébastien Baudouin, il y a malgré tout la nécessité de replacer cela dans un contexte où le monde change. Il change du point de vue politique. Quand Chateaubriand voyage en Amérique, c'est la Révolution française, mais le monde est en train de changer. Il y a une autre révolution en cours, celle-là en Angleterre. C'est la révolution industrielle. Il y a aussi une recherche d'une nature peut-être fantasmée, celle de la nature pure, qui risque de disparaître avec le monde qui change. Oui, tout à fait. Il y a cette prise de conscience que la nature est en danger. Alors, c'est une pré-conscience écologique. On ne parle pas véritablement d'écologie à cette époque-là. Mais on peut le voir déjà dès Bartram. Il y a cette idée que ce monde, en réalité, a son envers. Il est vu comme un paradis depuis très longtemps. Hein. Ça remonte à bien avant Chateaubriand et Bartram. On fantasme un paradis perdu retrouvé ici. On se dans la filiation d'ailleurs de Rousseau pour Chateaubriand, on se retrouve au sein de la nature comme étant au contact de l'homme, la nature qui serait l'Indien. On se retrouve dans un paradis qu'on pense avoir retrouvé, mais l'envers du paradis se révèle à chaque pas. La nature est d'autant plus belle qu'elle est dangereuse. Elle est en péril parce que les colons défrichent et Chateaubriand l'a déjà aperçu. Tocqueville en est encore plus convaincu. Et puis les Indiens aussi sont menacés et les Indiens représentent aussi cette sauvagerie, c'est-à-dire cette primitivité au sens d'homme premier. Ce sont eux qui aussi sont la quintessence de la nature sauvage et eux aussi sont vraiment dans un état de déliquescence, plongés par l'alcool, etc., victimes des colons. Ça, c'est très prégnant. Cette vision du paradisiaque aussi se conjugue avec une spiritualité, effectivement. Alors qu'il lit tous ses auteurs, pas la même. Chez Thoreau, c'est différent, il n'a pas le même rapport spirituel au monde, mais chez Chateaubriand, c'est très clair. C'est très clair. Alors, c'est a posteriori hein, qu'il a christianisé les grands espaces américains, comme je le dis dans un article que j'ai publié l'année dernière. C'est-à-dire qu'en fait, il a réécrit ces passages-là, parce qu'il le dit très bien, quand il est parti en Amérique, il n'était pas du tout chrétien. Il a eu la révélation plus tard. Il a christianisé en quelque sorte sa vision et pour en donner une dimension beaucoup plus métaphysique et transcendante. Oui, il y a toujours quelque chose de métaphysique et de transcendant dans ce rapport à la nature. Et là, nous évoquons le 19e siècle et même la fin du 18e siècle dans le cas de Chateaubriand. Mais c'est un mouvement littéraire qui nous intéresse jusqu'à aujourd'hui. Le nature writing est quelque chose qui traverse, qui traverse les siècles et dont nous sommes les héritiers dans la littérature et à travers le cinéma, mais là aussi, il y a clin d'œil à la littérature. En 1996, John Krakauer écrit « Voyage au bout de la solitude » qui devient un film sous la caméra de Sean Penn en 2008. C'est « Into the Wild ». Tout ce que la mer a à offrir, ce sont ces grosses bourrasques. Et de temps en temps, une sensation de puissance. Il est vrai que je connais pas grand-chose à la mer. Mais ici, en tout cas, c'est comme ça. Et je sais aussi que dans la vie, le plus important, ce n'est pas nécessairement d'être fort, mais de se sentir fort. Et de se mettre à l'épreuve au moins une fois. De se retrouver au moins une fois dans la condition humaine la plus archaïque. D'affronter seule la nature aveugle et sourde. Sans rien pour vous aider, si ce n'est vos mains et votre tête. Un extrait d'Into the Wild. affronter la nature telle que le voyait Sean Penn en 2008 dans son film, mais un film qui s'appuie sur un ouvrage de John Krakauer. Dites-nous, François Speck, vous êtes l'auteur de Thoreau Beyond Borders, c'est-à-dire Thoreau au-delà des limites, donc cette idée de limite que nous a déjà évoqué Sébastien Baudouin, cette idée de frontière. Et puis, il y a vraiment cette règle presque de se mettre à l'épreuve. Il y a cette volonté de se confronter à la nature que vous avez évoqué pour Thoreau, que l'on peut évoquer pour Into the Wild, dont on vient d'entendre un extrait. C'est une continuité aussi, ça, dans le nature writing. Oui, tout à fait. Il est toujours question d'une incursion à caractère temporaire, en fait, dans un univers qui n'est pas le monde familier, qui est une nature sauvage ou plus ou moins sauvage. On pourrait assez longuement discuter du caractère sauvage ou non de tel ou tel lieu qu'évoque Thoreau, mais il y a toujours l'idée de revenir. Et en quelque sorte, à ce titre, c'est extrêmement différent de l'expérience de Into the Wild, qui en quelque sorte est allé trop loin. Déjà, on peut mentionner le fait que Thoreau, lorsqu'il était à dans sa cabane à Walden, il n'était pas si isolé que ça. C'était un lieu effectivement un petit peu en retrait, mais il voyait beaucoup de monde. Il retournait au village de temps en temps. Donc, si vous voulez, ça avait réellement un caractère d'expérimentation, un caractère temporaire, et il s'agissait toujours de revenir ensuite. Hein. Et c'est pourquoi il n'y est resté que 2 ans, d'une certaine façon. C'était une expérience, et une fois l'expérience accomplie, il n'était pas nécessaire de la prolonger, ou peut-être pour parler en des termes qui je pense correspondent au mieux à la pensée de Thoreau, il n'était pas question d'institutionnaliser l'expérience. Donc cette idée de frontière, c'est un peu jouer à saute-mouton avec la frontière. On saute d'un côté, on ressaute de l'autre côté. Il s'agit toujours de voir quel bénéfice on peut tirer de ce moment de décentrement, de cette expérimentation qui vise à nous dépouiller, encore une fois, de ce qui nous caractérise d'ordinaire. Voilà, et puis revenir ensuite, Sébastien Baudouin, vous êtes auteur d'un ouvrage intitulé « Aux origines du nature writing ». Et dans ces origines, il y a tout ce que nous avons évoqué dans l'émission, ce monde en changement, cette crainte du politique, notamment lorsqu'on évoque Chateaubriand et la Révolution française, et même Tocqueville, ce monde qui change avec la Révolution industrielle. Et évidemment, vous portez un regard sur nos jours, le moment que nous vivons, avec un contexte qui peut ressembler parfois. Le nature writing est quelque chose qui a le vent en poupe, au sens où il répond à des attentes du moment, d'aujourd'hui. Oui, c'est un petit peu la perspective que je dessine dans la conclusion de mon livre. En fait, ces origines que j'ai voulu sonder, cette continuité, cette chaîne d'écrivains, nous conduit à la littérature actuelle, à l'école de Idaho, à l'école de Montana, enfin tous ces écrivains américains qui se retirent dans la nature pour écrire sur elle, parce qu'il y a un besoin de nature. On le voit bien, hein, la préoccupation écologique actuelle est centrale, le confinement donne envie de se déconfiner par l'esprit, par la littérature, par les livres, donc ça tombe bien. Le livre n'a pas été écrit pour ça, il a été écrit en partie pendant le confinement, d'ailleurs la troisième partie, ça a été en quelque sorte salutaire. En réalité, à la fois la littérature et la nature ont le même objectif, c'est-à-dire d'ouvrir l'esprit à l'imaginaire. Et on peut s'évader comme ça dans la nature, sortir en fait des contraintes sociales, et aussi essayer d'appliquer la nature comme un baume sur les plaies de l'âme. Et je crois que c'est aussi le but de ces écrivains qui rejoint en réalité nos préoccupations actuelles, c'est-à-dire essayer de sublimer une vie qui nous semble, alors pour les romantiques, très mélancolique, très triste, une condition de paria, d'exilé pour les nobles au XIXe siècle, une condition de déchéance, malgré leur souci de grandeur permanent. Et c'est la littérature qui va permettre en quelque sorte, de sublimer une condition par la description de la nature. Eh bien, justement, pour illustrer votre propos sur le nature writing contemporain, écoutez ce que disait Richard Powers, donc l'auteur du livre « L'arbre monde ». C'était dans les matins du samedi de Caroline Brouet en décembre 2018 avec une traduction de Michel Zlotowski. Eh bien, je dirais d'abord que c'est le livre qui a changé ma vie, qui a changé l'endroit où je vis. Je faisais des recherches pour ces dernières forêts originelles qui, ça m'a amené, il y a 4 ans, aux Smoky Mountains, voir les derniers restes de ces forêts. Moi, j'ai grandi dans l'Est et je savais grosso modo ce que c'était qu'une forêt de l'Est des États-Unis, mais ce n'est pas avant de monter, de grimper dans les Smoky Mountains, de voir comment, à quoi ressemblaient ces forêts il y a 10 000 ans, je n'avais jamais vu une forêt américaine entièrement fonctionnelle. Et je suis tombé amoureux. J'ai été vraiment attiré par les odeurs, les bruits, les sons. Et 8 mois plus tard, j'y pensais encore. Et je me suis dit, si c'est rentré tellement profondément dans mon esprit, peut-être que je devrais baisser les armes. Et donc j'y suis retourné, j'ai acheté une maison et j'y vis depuis. Je ne me suis jamais senti aussi heureux et aussi vivant qu'au cours de ces dernières années où je vis dans cet endroit merveilleux. Richard Powers, l'auteur du livre Monde sur France Culture, l'expérience de cette relation forte à la nature que transmet l'auteur par le nature writing est très individuelle. Elle est sans cesse renouvelée en fait, François Speck. Vous êtes spécialiste de Sorrow. Sorrow connaît un grand succès aujourd'hui, mais c'est parce que c'est à chaque fois une redécouverte individuelle. Oui, en effet, effectivement, ce caractère répété est tout à fait fondamental. J'ai été au demeurant frappé là dans cet extrait de l'interview de Richard Powers par le fait que il avait cherché à aller à la rencontre, à la découverte d'une forêt, ce qu'on pourrait appeler une forêt profonde, si j'ose dire. Et donc son expérience est très similaire finalement à celle de Thoreau, parce que alors même qu'il était sur les bords du lac de Walden, eh bien, il s'est lui-même rendu dans les forêts du Maine, hein, plus au nord des États-Unis, à la frontière avec le Canada, parce qu'il était en quête d'une véritable forêt, en quelque sorte, par rapport à la forêt extrêmement réduite. On pourrait parler d'une forêt en lambeaux, hein, en fait, qui était celle qui existait alors aux environs de Boston. Ça avait été énormément défriché. Il restait quelques lambeaux de forêt, en fait, ici et là. Et effectivement, il a fait ce premier voyage dans les forêts du Maine, et il en a fait 3 au fil des années, à quelques années d'intervalle, et en donnant à chaque fois un récit spécifique de chacune de ces expéditions. C'est-à-dire qu'il n'a pas cherché à constituer un récit unifié de ces 3 voyages, mais bien à faire un livre qui, en fait, assemble les 3 récits avec chacun ses caractéristiques et son esprit, les particularités de son rapport à la nature. Voilà, donc un rapport à la nature très particulier et qui reconstruit des récits mélangés, un peu comme avait fait Chateaubriand avec son voyage en Amérique. Merci vivement, Sébastien Baudouin. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'Aux origines du nature writing, et puis François Speck de votre ouvrage Thoreau Beyond Borders. Merci à vous deux de nous avoir fait voyager dans les grands espaces, notamment ceux de l'Amérique. Il est l'heure, dans le cours de l'histoire, de retrouver Anaïs Quien avec son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Quien. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Ce matin dans le journal de l'histoire, protéger l'environnement extraterrestre, une histoire de guerre froide. Le 27 janvier 1967, l'Union soviétique, les États-Unis et le Royaume-Uni se réunissent sous l'égide des Nations Unies pour signer un accord de cohabitation pacifique dans l'espace, joliment intitulé en français « Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique », y compris la Lune et les autres corps célestes. Le cosmos ne sera ni un arsenal ni un champ de bataille, on peut l'espérer en tout cas. Les États-Unis, l'Union soviétique et la Grande-Bretagne ont signé aujourd'hui à Moscou un traité sur l'utilisation pacifique de l'espace et des corps célestes. En pleine guerre du Vietnam, qui avait nettement tendu les relations Est-Ouest, que s'était-il passé ? Il ne s'agissait pas d'une crise de sagesse aiguë, mais de protéger un espace d'incertitude. à peine 5 ans après la crise des missiles de Cuba, au cours de laquelle on avait été à 2 doigts d'une nouvelle guerre mondiale, et cette fois pleinement nucléaire, si la prochaine tension des relations internationales prenait une dimension interplanétaire, le téléphone rouge ne suffirait plus à rompre l'escalade. L'humanité envisage depuis peu de pouvoir se déployer dans l'espace extraterrestre, et l'on craint qu'elle y emporte avec elle ses mauvaises habitudes à l'échelle atmosphérique. United Nations blablabla. Les juristes se livrent alors à un exercice de prévision des possibles à venir sur les usages du ciel lointain. Les négociations se passent parfaitement bien, au plus grand étonnement de toutes les parties en présence. Pas facile pour les États signataires de prendre la mesure de ce à quoi ils renoncent. Même si les possibilités sont grandes, on n'en connaît pas encore toute l'envergure, et la science-fiction, qui imagine des pique-niques sur Mars et des vacances sur Vénus, a probablement ses limites. Mais la course est déclarée dans la conquête de l'espace, et les Soviétiques, comme les États-Unis, craignent de se faire doubler et de se voir interdire ces nouveaux horizons. Lorsqu'Armstrong mettra le pied sur la Lune, il ne pourra donc pas la déclarer zone d'influence américaine. Les experts des Nations Unies déclarent que le statut de la Lune revient à un concept légal de res nullius, qui signifie que personne ne peut se l'approprier. Pas de souveraineté envisageable donc sur les planètes voisines de la Terre, mais une responsabilité collective affirmée. Si les missions d'observation sont encouragées, la construction de bases militaires et de fortifications est interdite, et il faut faire le ménage après son passage. Le traité impose que les machines et le matériel utilisé ne se transforment pas en poubelles spatiales. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade. And the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule. La vigilance aussi est prescrite pour éviter la contamination entre la Terre et les environnements spatiaux, afin d'éviter les pandémies extraterrestres et l'éventuelle éradication des Martiens comme décrite dans La guerre des mondes d'H.G. Wells. Dans cet espace pacifique libre d'accès, les astronautes sont considérés comme les ambassadeurs de l'humanité et sont à ce titre protégés. S'il arrivait que l'un d'eux tombe dans un jardin étranger, il faudrait rendre l'astronaute et son vaisseau égaré à ses propriétaires sans discussion. Depuis la fin de la guerre froide, le traité de l'espace est considéré comme un frein à l'exploitation industrielle, et en novembre 2015, une loi américaine, le Space Act, a rompu unilatéralement l'accord de 1967 pour autoriser l'exploitation commerciale des ressources de l'espace. Retour à la case départ sur la conscience environnementale extraterrestre. Et bien voilà, retour à la case départ. On retrouve le journal de l'histoire sur la page du site franceculture.fr et sur l'application Radio France. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Marion Dupont, Toscane Viudès, Odile Joissel, Valentine Lovrin, Maïwenn Guizhou, à écouter, podcaster sur le site franceculture.fr et l'application Radio France. La semaine prochaine, les élites en temps de crise. Oui, des oligarques dans l'antique Athènes aux intellectuels face à la guerre, en passant par l'empire de Charlemagne, ceux d'élite. Il y a du sang dans l'encrier et des contestations dans la cité.